بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحمد لله على نعمة الإسلام والسنة، ونسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا وإياكم رمضان ويقدرنا على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا خالصا لوجهه الكريم، كما بين ذلكم رسول رب العزة صلى الله عليه وسلم أن غفران الذنوب مرتب على الإخلاص وعلى ما في القلوب، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المتفق عليه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Donc toute la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir fait de nous des soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala pour la sunna et pour la voie des plus prédisseurs, wallah alayhim. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, de par ses sublimes noms et ses nobles attributs, d'allonger notre vie et de vivre ce mois de Ramadan, inshallah, le mois de Ramadan prochain qui arrive, et de nous donner la force et la capacité de le jeûner et d'accomplir les prières nocturnes durant ce noble mois, dans la sincérité et le suivi, parfois en Allah et dans l'espoir d'être comblé par sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Le messager d'Allah nous a clarifié que le pardon des péchés découle de la sincérité, c'est-à-dire de ce que renferment les poitrines, de ce que renferment les cœurs. Et dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, Abu Huraira a dit, radiyallahu anhu ardah, le messager d'Allah a dit: quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et avec espoir d'avoir les récompenses d'Allah, ses péchés lui seront pardonnés. Et l'autre hadith, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit: quiconque célèbre les actes d'adoration, telles les prières nocturnes, la lecture du Coran et autres, la nuit du destin, avec foi en Allah et espérant la récompense d'Allah, Allah lui pardonnera ses péchés passés. Et bien sûr, les péchés qui vont être pardonnés aussi, ce ne sont que les péchés mineurs. Quant aux péchés majeurs, ils ont besoin d'une expiation spécifique. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا إنما يخص الصغائر من الذنوب، أما كبائر الذنوب فلا بد لها من توبة خاصة. فرسولنا صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم رحمه الله قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، أي هذه الصلوات الخمس التي نصليها وهذه الجمعة إلى الجمعة، من الجمعة إلى الجمعة تكفر ما بينهما من الصغائر، وكذلك من رمضان إلى رمضان صوم هذا العام ويأتي العام المقبل إن شاء الله بينهما، كل تلك الصغائر يكفرها هذه الأعمال. لكن الكبائر لا بد لها من توبة خاصة، فهذه الوعود مرتبطة كلها بالإيمان والاحتساب بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. ومما لا شك فيه أن صيام رمضان مرتبط بأصل الدين، ألا وهو إخلاص الله، إخلاص العبادة لله وحده سبحانه وتعالى، كما في آية الصيام التي بدأت بقوله تعالى، بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وختمت كذلك آيات الصيام بقوله عز وجل: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. افتتحت آيات الصيام بالتقوى وختمت بالتقوى، والتقوى محلها القلب، كما قال الصادق المصدوق: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وهو يشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم. والقلب هو محل الصلاح والفساد في الإنسان، كما في الحديث الصحيح ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. دونك أن الله سبحانه وتعالى il y a aussi le hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui passait avec nous pour l'accomplissement des prières nocturnes et la nuit du destin dans les bonnes œuvres. Et ce qui va être expié par ces actes, ce ne sont, comme j'ai dit, que les petits péchés. Quant aux grands péchés, il y a besoin d'une expiation et d'un repentir spécifique. Et ceci est pris dans le hadith de l'imam Muslim rahimahullah, qui a dit le prophète Abu Huraira a dit rahimahullah ta'ala radiyallahu anhu wa ardah, le prophète a dit l'accomplissement des cinq prières, l'accomplissement de la prière du vendredi jusqu'à l'autre vendredi, le jeûne du mois de Ramadan jusqu'au mois de Ramadan suivant, tous ces actes qu'il y a entre, donc ces actes ont un effet absolutoire si on évite les péchés capitaux. Et quand on évite les péchés capitaux, nos actes, nos petits actes et nos péchés mineurs vont être expiés avec les cinq prières, avec la prière du vendredi, avec le jeûne du mois de Ramadan. Hein. Toutes ces promesses sont liées avec la foi et l'espoir en la récompense d'Allah, en accomplissant les adorations, les actes d'adoration dont la sincérité, dont le suivi du messager, alayhi salatu wassalam. Il n'y a aucun doute que le jeûne du mois de Ramadan est lié au fondement principal de cette religion, qui est le monothéisme, qui est le fait d'accomplir les actes et la religion sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme cela est très clair dans les versets concernant le jeûne, ces versets qui ont débuté avec, dans cette traduction approximative du sens des versets, « Ô vous qui croyez, on vous a prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi, vous allez atteindre taqwa, la piété. » Et aussi ces versets qui concernent le jeûne, la sagesse du jeûne, les lois du jeûne, les règles du jeûne, ont été conclus aussi par taqwa. Il est dit dans la traduction approximative de la fin des versets concernant le jeûne, c'est ainsi qu'Allah expose aux hommes ses enseignements et ses signes afin qu'ils atteignent taqwa, afin qu'ils atteignent la piété. Et donc, on remarque ici clairement que les versets des jeûnes ont débuté avec taqwa et ont été clôturés aussi avec taqwa. La place de la taqwa, c'est le cœur. Comme cela a été si bien clarifié par notre messager, alayhi salatu wassalam. Le véridique qui n'a dit que la vérité, alayhi salatu wassalam. Il a dit, dans le hadith, taqwa si si, taqwa si si, taqwa si si, et il montrait sa poitrine, alayhi salatu wassalam. Donc le cœur, ce qu'on renferme la poitrine, ce morceau de chair qui est le cœur, c'est la source du bien et la source du mal chez l'être humain, comme cela est stipulé dans le hadith authentique. Certes, dans le corps, il y a un bout de chair. S'il est bon, tout le corps le sera. Et s'il est mauvais, tout le corps le sera. Si le cœur est corrompu, tout le corps sera corrompu. Et si le cœur est bien réformé, ben tout le corps sera bien réformé. الصيام له ارتباط عظيم بأصل الدين بالتقوى وبإخلاص الدين لله عز وجل ولا شك أن الإخلاص محله القلب ومجالسنا إن شاء الله ستكون حول الحكم وأحكام رمضان ونحاول ربط هذا بأصل الدين الذي هو التوحيد لأنه لا يمكن لأي عمل أن يقبل عند الله سبحانه وتعالى إلا بالتوحيد وما هذه إلا الذكرى والذكرى تنفع المؤمنين ولا أظن أني سأتي بشيء جديد. Donc le jeûne il est lié fortement avec le fondement de la religion, qui est l'accomplissement de la religion sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ces rappels intitulés sagesse et règles du jeûne, puis inshallah, il est lié avec ce fondement de la religion qui est le monothéisme. Et ce ne sont que des rappels, je ne crois pas que je vais ramener quelque chose de nouveau. Tout est clair, mais le rappel fait du bien aux croyants. Fa asasu salah al-insan min dakhilihi la min kharijihi abadan. إنما يكون الظاهر تبعا للباطن فاللبيب العاقل الكيس الناصح لنفسه يجتهد على إصلاح باطنه وصلاح ظاهره يأتي تبعا لباطنه وبهذا تأتي العبادات الظاهرة مبنية على قاعدة قوية وأساس متين. Donc la base de la réformant bien de l'être humain, il est dans son intérieur, il est dans son cœur, et non pas dans son extérieur, non pas dans son apparence. L'apparence suit ce que renferme le cœur. L'apparence suit ce qui est renformé, ce qui est renfermé par la poitrine. Donc, le doué de raison, celui qui est doué d'une raison saine et qui est digne du conseil pour lui-même, fait des efforts pour réformer en bien son intérieur. Et la réforme en bien de l'apparence va découler de la bonne réforme de l'intérieur. Et ainsi, les adorations que va accomplir la personne vont être, ces adorations apparentes, la prière et autres, vont être basées sur une base solide, sur une fondation solide. ونتأمل هذا في قول الله تعالى في تنايا في وسط آيات الصيام يقول سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقبلها آية الصيام التي فيها الأحكام والحكم، وبعدها آية الصيام التي فيها أحكام الصيام وحكمه. قوله عز وجل بعدها أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والقرآن كلام الله رتب ترتيبا متقنا لأنه من حكيم عليم، فكلام ربنا سبحانه وتعالى أفضل الكلام، وترتيب كلام الله عز وجل أفضل ترتيب، ولله فيه الحكمة البالغة. Et comme il dit cela au milieu du verset concernant le jeûne, les lois, les règles du jeûne et les sagesses du jeûne. Au milieu de ce verset arrive ce verset qui attire notre attention sur comme quoi le jeûne est lié avec la fondation principale de cette religion qui est le monothéisme. Et comme il dit, la traduction de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala citée au milieu du verset du jeûne, cette traduction approximative nous dit cela. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, sur Allah, je suis tout proche. J'exauce le dua de celui qui me demande. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Et avant ces versets qui nous rappellent le fondement principal de cette religion qui est le fait de vouer le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, avant et après ce verset, Allah a cité les versets du jeûne dans lesquels il y a les règles du jeûne et les buts du jeûne. Le Coran est agencé à la perfection car il émane de celui qui fait les choses à la perfection et qui a la perfection absolue, subhanahu wa ta'ala, et qui met chaque chose à sa place. La parole de notre souverain, subhanahu wa ta'ala, est la meilleure des paroles. Et l'agencement de celle-ci est le meilleur agencement. Et tout cela est fait pour des buts bien précis. Pour des buts bien précis. وعلاقة هذه الآية مع آية الصيام هي أن الصيام دون أصل الدين لا فائدة منه. هذا الصيام الذي ظاهره الجوع والعطش والامتناع عن جماع الأهل لا فائدة ترجى منه دون أصل الدين، دون التوحيد، دون إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ولذلك جاء في الحديث القدسي الصحيح قوله سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يقول العلماء أن هذا يدل على أن الصائم الذي امتنع عن الشرب والجماع والأكل امتناعه غالبا يكون عن إخلاص لا عن رياء، لأن المرائي بصيامه الذي يريد أن يراه الناس وهو صائم لماذا يصوم؟ ها؟ بل سيظهر للناس، يظهر للناس أنه صائم، وإذا دخل إلى بيته وخلى بنفسه يفعل ما يشاء، يأكل يشرب يجامع أهله، فما أحد يعلم به وما أحد يراه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول العلماء أن في الغالب الصائم يصوم عن إخلاص، أما المرائي فهذا يظهر للناس أنه صائم ويفعل ما يريد إذا خلى بنفسه ولا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. Et le lien entre ce verset qui est au milieu des versets des règles et des buts du jeûne, quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, le lien de ce verset avec le verset du jeûne, c'est que le jeûne est nul et non valide sans la fondation principale de la religion, qui est la sincérité, qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce jeûne, dont l'apparence, si l'abstinence de boire, de manger, d'avoir des rapports charnels avec ses épouses, il n'y a aucun bien à attendre de cet acte s'il n'est pas basé sur le monothéisme. Il n'y a aucun bien à espérer de cet acte. Et nous avons à méditer ceci dans le hadith Qudsi, dans la traduction approximative de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce hadith qui dit: tout acte du fils d'Adam et pour lui, sauf le jeûne, il est pour moi. Et c'est moi qui le rétribuerai pour le jeûne. Regarde, médite, tout acte pour le descendant d'Adam, et pour lui, sauf le jeûne. Cela, comme disent les hommes de science, nous clarifie et nous prouve que le jeûneur qui s'abstient de boire, de manger, d'avoir des rapports avec ses femmes légitimes, son abstinence émane en général de la sincérité et non de l'ostentation. Car s'il veut se faire voir par les gens, se faire voir comme quoi il est en état de jeûne, il ne jeûnerait pas à la base. Et en apparence devant les gens, il fait celui qui est en état de jeûne. Et quand il se trouve seul, à la maison, où il se trouve seul, il boit, il mange, il accomplit ses rapports charnels avec ses femmes, qui le saura? Personne ne le saura. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait, et il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui le voit. فَالَّذِي يُرَائِي يَقُولَ النَّاسَ أَنَّهُ صَائِمٌ هَذَا لَا يَصُومُ فِي السِّرِّ لكن الذي صام فعلا بالامتناع عن الأكل والشرب والجماع غالبا لا يخشى عليه هذا الشرك الأصغر الذي هو الرياء، لأنه لو أراد لامتنع أمام الناس عن المفطرات وفعل ما يشاء في بيته، وهذا بخلاف الصلاة وبخلاف الصدقة وبخلاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد يصلي الإنسان ويحسن صلاته ويتصدق ويقصد بذلك الله ويقصد بذلك أن يراه الناس لكي يقال فلان صلاته ما شاء الله، فلان كريم يتصدق ويحسن إلى المحتاجين، فلان لا يخشى في الله لومة لائم، ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف، فيخشى على كل عامل الرياء إلا الصيام. يقول أهل العلم يخشى على كل عامل الرياء إلا الصيام، غالبا لا يخشى عليه الرياء. أن الله سبحانه وتعالى celui qui se donne l'apparence de jeûneur, celui-là en privé il ne jeûne pas. Mais celui qui jeûne réellement, en s'abstenant des annulatifs du jeûne selon les conditions dictées par la législation d'Allah, celui-là en général, il n'y a pas à craindre pour lui l'ostentation, le politisme mineur. Car s'il cherche seulement à se faire voir par les gens, ben devant eux, devant les gens, il fera le jeûneur. Et chez lui, il fait celui qu'il a envie de faire. Il ne jeûnera pas. Contrairement à la prière, à l'aumône, au prêche, à la recommandation du bien et le blâme du mal, la personne, il se peut que la personne prie et donne l'aumône. Hein? Il s'exprime bien dans le conseil en volant pour cela, en volant avec ses actes Allah et que les gens le voient et autre chose. Pour que les gens disent la prière de tel, masha'Allah, il prie bien. Hein? Ou la telle est très généreux. Tu as vu comment il aide les nécessiteux? Tel ne craint personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ordonne le bien, blâme le mal. Et tu vois pas comment il ordonne le bien et comment il blâme le mal. Donc pour chaque œuvre, disent les hommes de science, il y a à craindre pour l'être humain l'ostentation, ce politisme mineur, sauf le jeûne en général. لكن إذا لم يخشى على الصائم الشرك الأصغر فيخشى عليه الشرك الأكبر. فالصائم مخلص إن شاء الله كما يقول العلماء، والمرائي بصومه مفطر. لماذا يمتنع الصائم عن الجماع وعن الأكل وعن الشرب ويصبر على هذه الأشياء التي هي من حظوظ النفس وتحبها النفس؟ البطن والشهوة تحبه النفس، هذه من حظوظها. وربنا يقول في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له، أي قد يكون لابن آدم من ذلك العمل شيء من حظ نفسه. الصلاة تدخلها حظوظ النفس، الصدقة تدخلها حظوظ النفس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخله حظوظ النفس. كل الأعمال الصالحة يمكن أن تدخل فيها حظوظ النفس. Et mais s'il n'y a pas lieu de craindre le politisme mineur pour le jeûneur, il y a à craindre pour lui plus grave que ça et plus dangereux que ça, le politisme majeur. Inch'Allah, le jeûneur il s'insère avec son jeûne, mais celui qui se donne l'apparence de jeûner ne l'est pas, c'est pas un jeûneur, il n'a pas jeûné. Donc pourquoi le jeûneur délaisse les rapports charnels avec ses femmes, il délaisse la nourriture, délaisse la boisson, il patiente et endure pour cela, alors que ce sont des choses que son nefs aime bien, ce sont les désirs de son nefs, hein? Et ce sont des choses que le nefs aime beaucoup, aime, hein, manger, avoir des rapports avec ses femmes. Tout ceci, ce sont des désirs que le nefs veut et aime bien. Notre souverain, subhanahu wa ta'ala, dans la traduction approximative du sens de ce début du hadith Qudsi, il est dit, tout acte du fils d'Adam est pour lui. Ce qui veut dire que les actes du fils d'Adam, dans les actes du fils d'Adam, s'immiscent les désirs personnels et les intérêts personnels, ils peuvent s'y immiscer. Ce qu'on appelle en arabe « hadd al-nafs », la part de l'âme ou les préoccupations de l'ego de la personne. Hein? La personne veut être vue prier. Il se peut que la personne veut être vue prier pour qu'on dise qu'il prie bien. La personne, il se peut dans son acte de donner le monde, vouloir être vu pour qu'on dise qu'il est généreux, pour avoir l'estime des autres ou pour d'autres intérêts. Il en est de même pour le fait de blâmer le mal et d'ordonner le bien. Donc tous les actes du bien, la préoccupation de l'âme peut s'y immiscer. Les préoccupations intérieures, personnelles et les intérêts de la personne peuvent s'y immiscer, sauf en général le jeûne. لكن الصوم الذي هو الترك فالصوم عبادة تركية تترك أمور لله عز وجل من يرى هذا الترك إلا الله سبحانه وتعالى فالصائم ترك الأكل ترك الشرب ترك الجماع وهذا ضد حدود النفس فنفس الإنسان تريد الأكل تريد الشرب تريد الجماع هذا حد البطن هذا البطن والشهوة هذه مما يحب الإنسان وتحب نفس الإنسان فالصوم في ذاته هو ضد حدود النفس فالذي يصبر على حدود نفسه ويمتنع عنها بإرادته لا يمكن إلا أن يكون مخلصا ما الذي يصبره يمكنه الأكل يمكنه الشرب يمكنه الجماع من يراه ومن يعلم به لا أحد يراه ولا أحد يعلم به إلا رب السماوات والأراضي فلو كان فعلا صائما بشروطه هذا لا يكون إلا عن إخلاص ومن هنا يقال أنه لا يخشى على الصائم الرياء والسمعة وإنما يخشى على الصائم ما هو أخطر من ذلك دعاء غير الله الاستغاثة بغير الله الاستعانة بغير الله فيما يقدر عليه إلا الله طلب الشفاء من غير الله طلب الأولاد من غير الله Donc, mais le jeûne qui est un acte de délaissement. Les autres actes, on accomplit quelque chose. Le jeûne, on délaisse des choses. Donc le jeûne qui est un acte de délaissement, qui voit ce délaissement ? Qui voit que la personne a délaissé la boisson, les rapports et ainsi de suite? Personne ne les voit. Personne ne le sait à part Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le jeûne est un acte de délaissement. Qui voit ce délaissement? Il n'y a qu'Allah qui le voit. Le jeûneur a délaissé de son plomb plein gré la nourriture, la boisson, les rapports charnels avec ses épouses, et ceci est l'opposé de had nafs, l'opposé de ce que le nafs, l'ego de la personne aime. Ceci est l'opposé du désir de l'âme de la personne. Le nafs humain veut manger, veut boire, avoir des rapports, avoir des plaisirs. Donc le jeûne en lui-même, il est l'opposé de had nafs. Il est l'opposé de ce que veut la personne. Il est l'opposé des désirs de la personne. Donc celui qui patiente sur les désirs de son nafs, il s'abstient volontairement de boire, de manger, d'avoir des rapports avec ses femmes, ne peut être en général que sincère. N'a fait ça que sincèrement pour Allah. Qu'est-ce qui le motive à patienter et à s'abstenir de tous ses désirs? Qui le voit quand il est seul? Il n'y a qu'Allah qui le voit et qui sait tout de lui, subhanahu wa ta'ala. Donc s'il est réellement en état de jeûne, selon les conditions du jeûne dictées par la législation d'Allah, ce jeûne ne peut être en général que sincère. Partant de là, si l'ostentation n'est pas à craindre pour le jeûneur, mais il y a pire à craindre pour lui. De demander à autre qu'Allah ce que ne peut faire qu'Allah. D'égorger pour autre qu'Allah. De demander le secours à autre qu'Allah dans les choses que ne peut faire qu'Allah. De faire des vœux pour autre qu'Allah. C'est-à-dire tomber dans le polythéisme majeur. فَإِذَا كَانَ الرِّيَاءُ يُفْسِدُ الْعَمَلَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ فَقَطْ فَالشِّرْكُ الْأَكْبَرُ يُفْسِدُ أَعْمَالَ كُلَّ أَعْمَالِ الْإِنسَانِ حَتَّى الَّتِي كَانَ مُخْلِصًا فِيهَا كل أعماله تحبط بالشرك الأكبر وتذهب هباء منطورا. قال تعالى لمن هو خير منا وخير من البشرية جمعاء محمد صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى يخاطبه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ومما لا شك فيه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقع منه الشرك أبدا. وفائدة هذا الخطاب من الله عز وجل أن لا يغتر المسلم بنفسه وبعمله ويقول أنا مسلم أنا موحد بحق ما أخشى على نفس الشرك أبدا. عياذا بالله. لا بد إنسان يجب عليه أن لا يغتر بنفسه. فالقلوب بيد الرحمن يقلبها كيف يشاء. Donc si l'ostentation annule seulement l'œuvre qui l'accompagne, le polythéisme majeur annule toutes les œuvres que l'être humain aura fait et qu'il aura accompli, même si ces œuvres ont été accomplies dans la sincérité et dans le suivi. Toutes ces œuvres seront anéanties avec le polythéisme majeur. Il est dit au meilleur des êtres humains et au meilleur de l'humanité qui est mieux que nous et mieux que tout être humain et toute créature qui existe, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans cette traduction approximative du verset 65 à 66 dans Sourate Zumar, Sourate les groupes, il est dit, en effet, il t'a été révélé, à qui? À Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, c'est-à-dire les messagers et les prophètes qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. Au contraire, adore Allah seul et sois du nombre des reconnaissants. Il n'y a aucun doute qu'il est impossible que notre messager alayhi salatu wassalam et les autres messagers et les autres prophètes puissent commettre ou tomber dans le polythéisme majeur. Abadan. Donc, c'est quoi le but de ce message? Ce message qui est dans le Coran, qui est adressé à nous. Hein? C'est quoi le but de ce message? Qui est adressé d'abord à la meilleure des créatures, qui est mieux que n'importe qui sur terre. Ce message est là pour là, ici, pour qu'on le médite, qu'on fasse très attention et qu'on ne soit pas imbu de nous-mêmes ni de nos œuvres et qu'on ne se dise pas et qu'on ne croit pas qu'on est musulman, khlas, on a dépassé la barrière, on a passé le pont, qu'on est monothéiste, khlas, qu'on maîtrise la aqida, khlas. Ce message est là pour nous avertir et pour attirer notre attention qu'il y a à craindre de tomber dans le polythéisme majeur pour tout un chacun. Il y a à craindre cela. فلنتأمل هذا الخطاب لمن هو أفضل مني وأفضل منا جميعا سيد الأولين والآخرين سيد الموحدين سيد المتقين يخاطبه الله عز وجل مع أنه سبحانه وتعالى يعلم أنه لن يقع منه شرك أبدا، وحتى لا يظن ظان أنه له خصوصية ويقول أنا مسلم أنا موحد لن يقع الشرك مني، لا أبدا أخ الإسلام. الشرك ضر من هو أعلم منك وأعلم مني وأفقه منك وأفقه مني. هذا عبد الله القصيمي كان عالما من علماء المسلمين، كان من المدافعين على عن التوحيد. ولد سنة 1907 وتوفي قريبا منا سنة 1999. ولد بالسعودية وتوفي بالقاهرة. هذا عبد الله القاسمي كان من المدافعين عن التوحيد والرادين على المشركين وعلى الروافض. مات كافرا ملحدا بعد أن كان من أكبر المدافعين عن التوحيد وأكبر المدافعين عن الإسلام وعن الدعوة السلفية. أصبح أكبر المهاجمين على الإسلام وأكبر الناكرين للإسلام، والله المستعان. فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فإن الله سبحانه وتعالى on doit méditer ce message adressé par Allah subhanahu wa ta'ala à notre prophète alayhi salatu wassalam. L'imam des monothéistes, l'imam de celui de ceux qui préservent les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, le dernier des prophètes et des messagers, l'homme avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala clôture tous les messages. Et qui a préservé au mieux les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui a adressé ce message alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait que Muhammad alayhi salatu wassalam et tous les prophètes et tous les messagers n'allaient pas commettre de l'associationnisme, n'allaient pas tomber dans le politisme majeur. Mais ce discours est là pour que personne ne croit qu'il est à l'abri de l'associationnisme majeur. Que personne ne se croit qu'il est privilégié. Il se dit, je suis musulman, je suis monothéiste, ça y est, j'ai une aqida authentique, khlas, j'ai passé le pont. Abadan akhal islam. Je ne tomberai pas dans le politisme. Abadan akhal islam. L'associationnisme et le politisme majeur a détruit plus fort que nous. Plus fort que nous au niveau de la science, au niveau de la jurisprudence de cette religion. Un grand défenseur de cette religion et du monothéisme, Abdullah al-Qasimi, qui est passé de défenseur invétéré de l'islam et de la voie des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim, à l'athée convaincu, né en 1907, en Arabie Saoudite, est mort en 1996 en Égypte. Qu'Allah raffermit nos cœurs sur sa religion. Ô Allah, toi qui tournes les cœurs, raffermis nos cœurs sur ta religion et dans ta religion. On ne doit pas être imbu de soi et croire qu'on a passé le temps parce que on connaît la aqida, parce que on est monothéiste, etc. أبداً أخ الإسلام فلا خصوصية لأحد في هذا الباب الذي يقع الشرك الأكبر منه مهما كان أعماله تحبط ويكون من الخاسرين إن لم يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى. قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالصيام لا يكون صياما حقيقيا إلا بالتوحيد كجميع العبادات، لا تكون عبادة إلا إذا كانت مبنية على التوحيد. والله عز وجل يؤكد لنا هذا المعنى في تنايا آية الصيام بقوله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فكم يديت لا parole فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضللن كثيرا من الناس. إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومن هو إبراهيم؟ إمام الموحدين وخليل الرحمن سبحانه وتعالى. كومي جيت فخيرنا الله سبحانه وتعالى que personne n'est privilégié au niveau du polythéisme. Si une personne tombe dans le polythéisme majeur, khlas, tous ses œuvres seront anéanties. Il sera du nombre des perdants s'il ne se repent pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. S'ils ne seront pas, ne se repent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme il dit le verset, où il est dit dans la traduction approximative, Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. Et en dessous de ça, il pardonne à qui il veut. En dehors de l'associationnisme, il pardonne à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Donc le jeûne, pour qu'il soit un jeûne véridique et un jeûne valide, doit être accompagné avec le monothéisme. Comme toutes les adorations, ils ne peuvent être considérés comme adoration que s'ils sont accompagnés du monothéisme. S'ils sont basés sur le monothéisme, c'est des adorations. Hein? Et ceci est confirmé. Ce sens-là est confirmé dans ce verset qui est cité au milieu des versets du jeûne qui nous parle des règles et des buts du jeûne. Au milieu desquels, il est dit dans cette traduction approximative, si mes serviteurs te demandent, t'interrogent sur moi, je suis proche. J'exauce le dua de celui qui me demande qu'ils répondent à mon appel et qu'ils croient en moi. Ainsi, ils vont être bien orientés et bien guidés. فَكَيْفَ يَصْبِرُ الْإِنسَانُ عَلَى الْجُوعِ وَالْعَطَشِ وَجِمَاعِ الْأَهْلِ ثم يصرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل وهذا يحبط عمله كله الصيام وغير الصيام كل شيء سيحبط الصلاة الصوم الزكاة الصدقة أمر بالمعروف نهي عن المنكر فيتعب الإنسان في عمره كله ثم لا يجد شيئا عند لقاء الله عز وجل قال سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Et comme il dit la parole de Ibrahim alayhi salatu wassalam, citée dans le Coran, dans la traduction approximative du sens du verset, dans Sourate Ibrahim, où il dit, il fait ce dua alayhi salatu wassalam. Qui c'est Ibrahim? L'imam du monothéiste. Khalilullah. Il dit, préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Si Ibrahim, le père des prophètes, et le khalif, et le khalil d'Allah, a peur du polythéisme majeur, alors qu'il est l'élu d'Allah, et qu'il fait partie du noble messager d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il en est de nous? C'est pour ça que l'un de nos pieux prédécesseurs, Wallah alim, a dit, qui peut être en sécurité de ne pas être éprouvé par le polythéisme après Ibrahim alayhi salatu wassalam? Même, man ya'man al-bala ala nafsihi ba'da Ibrahim alayhi salatu wassalam. Idha kana Ibrahim yad'u Allah an la yaqa'a fi shirk, fama baluna nahnu. Man ya'man al-bala ala nafsihi. Qu'elle pourra avoir la sécurité de ne pas être éprouvée par le polythéisme majeur. Et cela nous montre la gravité du polythéisme majeur. Et comme dit la traduction du verset dans Sourate Al-Bétail, après qu'Allah a cité un certain nombre de prophètes, alayhi salatu wassalam, le verset nous dit cela, mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait, eût certainement été vain Et il est impossible que les prophètes et les messagers puissent commettre ou tomber dans le successionnisme. Mais ce message à l'islam est là pour nous avertir contre la gravité et le grand danger de l'associationnisme, car le politisme majeur anéantit toutes les œuvres, même si leur quantité est énorme, même si ce sont des œuvres de personnes importantes. فلا يغتر الإنسان بنفسه فلو صدر الشرك من أي أحد بطلت أعماله وذهبت هباء منطورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منطورا. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de privilège, ni de privilégié. À ce niveau, celui qui tombe dans l'associationnisme majeur, ses œuvres seront anéanties. Et il sera du nombre des perdants s'il ne se repent pas à Allah subhanahu wa ta'ala avant la fin de sa vie. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, dans Sourate les femmes, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé à part cela, il pardonne à qui il veut subhanahu wa ta'ala. Donc le jeûne ne peut être un jeûne correct et accepté, valide, qu'en étant basé sur le monothéisme, comme tous les actes d'adoration. Et cela est confirmé au milieu des versets du jeûne. Le verset 186, dont la traduction nous dit, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, j'exauce le dua de celui qui m'implore, qu'il réponde à mon appel et qu'il croie en moi, afin qu'il soit bien guidé. » Comment l'être humain patiente et endure la faim, la soif et s'abstient des rapports charnels avec ses épouses et voue quelques actes à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela anéantit tous ses œuvres, le jeûne et toutes les autres œuvres qu'il aura accomplies sincèrement durant sa vie. Il anéantit la prière, il anéantit le jeûne, la zakat, le fait d'ordonner le convenable et de blâmer le blâmable. L'être se fatigue à accomplir des œuvres durant toute sa vie pour arriver bredouille devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement à cause de l'associationnisme. Le verset 23 dans Sourat le discernement nous dit, dans la traduction approximative du sens des versets, nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. فكان في شهر رجب أن أرسل لي أحد إخواننا الدعاة مقطع مرئي لأفراد زاوية تيجانية بشمال إفريقيا. خلال هذا الشهر الماضي كانوا في ليلة من الليالي بدعهم وكانوا مطبقين للتباعد ويطلبون تفريج الكروبات من تيجانهم حتى لا تقول أن الشرك لا يوجد بقولهم ألا ترى يا أحمد ما نحن فيه من كروب ويستغيثون به والله المستعان. أين ذهبت العقول؟ طلب الغوث والفرج من ميت، وهل يجوز طلب الغوث وتفريج الكروبات من الرسول؟ هل يجوز طلبه من جبريل؟ أبدا. فكيف برجل أدخل الأمة في غيابات الشرك والبدع وعلقهم بشخصه وابتعد عليهم في دين الله عز وجل ما لم ينزل به سلطانا؟ Durant le mois de Rajab de cette année, c'est-à-dire il y a à peine 10 jours maintenant, hein, un peu plus de 10 jours maintenant, 10 jours. Durant le mois de Rajab de cette année, notre frère, l'un de nos prêcheurs francophones, Saad Abou Abdelrahman, qui est à Médine, nous a envoyé un morceau d'une vidéo tournée dans une confrérie tijani au nord de l'Afrique, dans le pays, où des tijani sont réunis dans une soirée dans leur confrérie, tout en respectant les distanciations, hein, et avec, hein, leur masque. Mais il demandait à Tijani de les délivrer de la situation difficile qu'on vit actuellement, en disant, ne vois-tu pas, ô Ahmed, ne vois-tu pas la situation difficile dans laquelle nous sommes? Et il lui demande de les secourir, l'ayadan billah, qu'Allah nous en préserve. Pourquoi tu crois que ceci n'existe pas? Si existe. Et hein, même ici, louange à Allah pour le bienfait du monothéisme et pour la guider vers la voie des plus prédécesseurs d'Allah alayhim. Où sont parties les raisons de cela, s'ils en ont? Comment demander la délivrance à un mort? Est-ce qu'il est permis de demander la délivrance au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Il est demandé de la demander à Jibril? Non. Comment la demander à un homme qui a englouti la communauté musulmane dans des énormes innovations et dans l'associationnisme et qui les a liés avec sa personne? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Wa li hadha قال بعض النصارى الماكرين عندما جلسوا مع بعض علماء المسلمين قالوا لهم لماذا تنكرون علينا قولنا يا عيسى يا مريم وتقولون أننا مشركون وأنتم فيكم من يقول يا حسين يا علي يا ست زينب يا حسن فمن الأفضل عيسى وأمه أم هؤلاء فنحن أفضل منكم يقول هؤلاء لأننا نتفق معكم على أن عيسى ومريم أفضل من علي رضي الله عنه وأرضاه ومن حسن وحسين وزينب رضوان الله عليهم أجمعين فعلي والحسن والحسين وزينب صحابة رضوان الله عليهم لكن لا يمكن أن يكونوا أفضل من الرسل أبدا فهم صحابة رسول الله لكن الرسل أعلى منهم درجة عند الله عز وجل وكان من جواب ابن تيمية رحمة الله عليه على هذه الشبهة الخطيرة على عقيدة المسلم قال رحمة الله وهكذا العلم عندما يرفع سيف العلم على البدع وعلى الشرك وعلى الشبهات يقتلها ويميتها فقال فهؤلاء الذين يفعلون هذا هؤلاء جهلة المسلمين فيهم شبه بكم أي يتشبهون بكم بما أنتم فيه تأمل هذا الجواب من هذا العالم من شيخ الإسلام بحق رحمة الله عليه فلم تدفعه العصبية للدفاع عن المشركين لأن الله عز وجل قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله أي أن نخلص الدين لله أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Donc, c'est pour ça que certains chrétiens rusés, quand ils se sont assis avec certains hommes de science musulmans, ils ont dit à ces hommes de science musulmans, pourquoi vous nous blâmez? Pourquoi vous nous blâmez? Parce que on appelle et on demande au Isa, au Jésus, au Marie. Et vous nous traitez, vous dites qu'on est des associateurs. Alors que dans votre communauté, il y a ceux qui disent « Ou Hussein, ou Hassan, ou Ali, ou Siti Zainab, Qui est mieux? Ceux que nous implorons ou ceux que vous implorez? Ou ceux qu'eux, ils implorent? Ils leur ont dit, ces chrétiens ont dit à ces savants musulmans, hein, on est mieux que vous. Car on est tous d'accord que les compagnons de votre prophète, alayhi salam, ne peuvent pas arriver à la place des... Ils ne peuvent pas être au degré des prophètes et des messagers d'Allah. Ali, radiyallahu anhu, arda, le quatrième khalif de cette communauté, ses enfants, Hassan ou Hussein, la femme du prophète, alayhi salam, Zaynab, tous, qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, les agrée, ce sont des compagnons. Mais jamais ils sont au même niveau que les prophètes et les messagers, alayhi salatu salam. Méditer cette énorme ambiguïté. Hein? Comment elle est très dangereuse. C'est pour ça qu'il faut avoir de la science quand il veut polémiquer avec quelqu'un ou débattre avec quelqu'un. Il faut que tu aies de la science pour pouvoir balayer les ambiguïtés qu'il a. Regardez ce degré de bassesse dans lequel tombent les polythéistes. Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, a répliqué à cette dangereuse ambiguïté en disant, les musulmans qui agissent ainsi, c'est-à-dire qui implorent autre qu'Allah, ou Ali, ou Hussein, ou Siti Zainab, etc., ce sont des ignares qui ont une ressemblance avec vous. C'est-à-dire ce sont des ignares qui ont pris le même chemin que vous, dans le fait d'implorer autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Médite la réponse de ce noble homme de science, du Cheikh l'Islam, hein, véridiquement. Et regarde ce que fait la science quand l'épée de la science s'élève sur une innovation, il l'anéantit. Hein? Et regarde, médite sa réponse, et regarde que le sectarisme pour la communauté ne l'a pas poussé à défendre l'indéfendable. D'où l'importance de se blinder avec la science du livre et de la sunna, selon la voie et la compréhension du pieux prédisseur d'Allah alim. Le polythéisme, c'est le polythéisme. Peu importe celui qui l'accomplit, et peu importe qui l'accomplit, et peu importe celui qui l'implore, c'est du polythéisme. Isa ou Maryam, ou qu'il implore Isa, ou qu'il implore Maryam, ou qu'il implore Ali, ou qu'il implore Zainab, ou qu'il implore Hassan ou Hussein, hein? C'est du polythéisme. Il est dit dans le verset 64 dans Surat Al-Imran, dans la traduction approximative, nous dit ceci: dis, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous réservions le culte exclusivement à Allah, sans rien à lui associer, et que nous nous prenions point les uns les autres pour des divinités en dehors d'Allah. Et s'ils se détournent, dites, soyez témoins que nous sommes soumis à Allah. Que ce soit les gens du livre et nous, ils nous ont demandé de réserver le culte exclusivement à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et non pas de lui vouer, hein, de vouer le culte à autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, ou avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Fa, التوحيد هو دين الأنبياء ودين المرسلين. به بعثة الأنبياء والرسل وجميعهم قالوا لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره والدعاء عبادة كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهل صرف هذه العبادة لغير الله يكون توحيدا أو يكون شركا؟ لا، إنه الشرك. الرجل يقول المدد يا حسين، المدد يا علي، أغتني يا تجاني، أعوذ بالله، أين ذهبت العقول؟ فإن لم يكن هذا هو الشرك فماذا يكون إذن؟ إن لم تكن هذه هي وثنية الجاهلية الأولى فماذا تكون إذن؟ Le monothéisme, c'est la religion de tous les messagers et de tous les prophètes, alayhi salam. Tous ont dit à leur peuple, dans cette traduction approximative du son du verset, adorez Allah, vous n'avez d'autre digne d'être adoré qu'Allah. Dua, c'est l'adoration, comme il a dit le prophète, alayhi salam, dans le hadith authentique. Donc le fait de vouer du'a et de demander à autre Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce que ne peut faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, cela peut être considéré comme du monothéisme. Abadan akhal islam. Ceci, c'est du pire, c'est du pur associationnisme. C'est du politisme majeur. L'homme dit, oh Hassan, oh Hussein, secours-nous, donne-nous des enfants, délivre-nous, enlève cette pandémie à Tijani. Et ça, on peut considérer ça comme du monothéisme. Abadan akhal islam. Ceci, c'est du politisme clair et du politisme majeur qui fait sortir de l'islam et qui anéantit tous les œuvres. C'est ça, ce n'est pas le politisme. C'est quoi alors? Si ceci n'est pas l'idolâtrie de la période pré-islamique, alors montrons-nous, expliquez-nous ce que c'est que l'idolâtrie de la période pré-islamique. فالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم عبيد لله فلا يدعون من دون الله أو مع الله وخيرهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم لا يدعى من دون الله قال وعز وجل في حق محمد صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Donc les prophètes alayhi salatu wassalam et les messagers sont tous des soumis à Allah. On n'a pas le droit de les implorer avec Allah ou en dehors d'Allah. Le meilleur parmi eux qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas le droit de l'implorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ou avec Allah. Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, concernant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit, c'est-à-dire dit au Muhammad, je ne suis qu'un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre unique adoré, c'est Allah. Quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes œuvres et qu'il ne donne aucun associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans ses adorations. قال عز فالعباد كلهم مطالبون بأن يفردوا الله بالعبادة والصائم إن لم يخشى عليه من الرياء وهو الشرك الأصغر يخشى عليه من الشرك الأكبر من أن يدعو غير الله وأن يستغيث بغير الله أو يستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أو أن يطلب الشفاء من غير الله أو ينذر لغير الله أو يذبح لغير الله ومن العجب العجاب أن الأضرحة التي فيها قبر والمساجد التي فيها أضرحة تحتشد بالناس في شهر رمضان رجال ونساء مختلطون شهر الإخلاص يصير عند البعض موسم للشرك في بعض البلدان تجد هذا الشيخ المعمم جالس على كرسي يذكر الناس بمفطرات الصيام ومبطلات الصيام والوفود داخلة خارجة تطوف بالقبر وتتمسح بالقبر وتتمسح بأغطية القبر وتطلب الشفاء وتطلب الفرج وتطلب الغوث من القبور ومن الأموات. وهذا يتكلم عن مبطلات الصيام ونسي المسكين مبطلات الإسلام ومفتدات الإسلام الشرك الأكبر الذي يحبط الصيام وغير الصيام الذي يحبط كل الأعمال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ما قال ادعوا علي ولا ادعوا عيسى ولا مريم ولا غيرهم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الذي يستكبر عن عبادة الله الدعاء عبادة سيدخل إلى جهنم صاغر مدلول. وقال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلا يقبل أي عمل أخى الإسلام الصيام وغير الصيام إلا إذا كان مبنيا على التوحيد وعلى متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصيام مدرسة تعلمنا الإخلاص وتعلمنا الصبر فعلينا أن نجد ونجتهد على إصلاح سرائرنا وقلوبنا، وإن أحيانا الله عز وجل وبلغنا رمضان أن نقوم به بما يرضي ربنا وبما يكسبنا التقوى، وأن نخلص فيه العبادة والقيام لله عز وجل. Donc, jeunes ainsi que les humains ont l'obligation de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûneur, s'il n'y a pas à craindre pour lui en général le polythéisme mineur, il y a à craindre pour lui le polythéisme majeur. En implorant autre qu'Allah, on demande la guérison, en demandant la guérison à autre qu'Allah, en égorgeant pour autre qu'Allah, en cherchant le secours auprès de quelqu'un d'autre qu'Allah, et en lui demandant ce que ne peut faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les situations étonnantes, c'est que dans certains pays où il y a des mausolées, dans la mosquée où il y a des tombes, ces mosquées bondent de monde, hommes et femmes, mixtes. Durant le mois de Ramadan, le mois de Ramadan devient pour certains le mois de la sincérité, de l'apprentissage de la sincérité, devient pour certains le mois de l'associationnisme, la saison de l'associationnisme. Le comble de tout ça, c'est que des fois, s'il trouve un cheikh sur sa chaise, bien enturbané, et qui rappelle aux gens les annulatifs du jeûne, alors, et le comble, c'est que des fois, s'il trouve un cheikh sur sa chaise, bien enturbané, et qui rappelle aux gens les annulatifs du jeûne, alors que des vagues d'hommes et de femmes font le tour de la tombe, rentrent et sortent et font le tour de la tombe. Ils embrassent la tombe, ils s'essuient avec le tissu qui couvre la tombe pour prendre la bénédiction du mort. Et ils demandent à ce mort de leur donner des enfants, de les guérir, de les secourir. L'ayadan billah. Hein? Certains demandent que leurs enfants réussissent aux examens. Il est enturbané, il est là, parle des annulatifs du jeûne, tout en oubliant les annulatifs de l'islam. Les actes qui font sortir les gens de l'islam et qui font d'eux que ce sont des associateurs. Le polythéisme majeur détruit tous les actes, le jeûne et les prières et tous les actes qu'aura fait la personne. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, dans Sourat Zumar, en effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine, et tu seras très certainement d'une œuvre des perdants. Au contraire, le culte, réserve le culte, et vous le culte, excusez-moi Allah, et sois parmi les reconnaissants. Et dans la traduction approximative du sens du verset 60, dans Sourat le Pardonneur, il est dit, et votre Seigneur dit, demandez-moi, je vous exaucerai. Ceux qui par orgueil se refusent de m'adorer entreront en enfer humiliés. Dua, c'est l'adoration, comme il a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et comme il est bien clair dans ce verset. Donc il doit être voué à Allah. Et la traduction du verset qui se trouve au milieu des versets des règles et sagesse du jeûne, dans Sourat la Vache, nous dit cela. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche, j'exauce le dua de celui qui m'implore, qu'il réponde à mon appel et qu'il croie en moi, afin qu'il soit bien guidé. Donc, à l'islam, en conclusion, aucune œuvre, le jeûne et les autres œuvres ne sont acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'en étant basé sur le monothéisme et qu'en étant dans le suivi du messager alayhi salam, le jeûne est une école. On doit apprendre la sincérité, l'endurance, la patience. Il nous incombe de faire beaucoup d'efforts pour réformer nos cœurs. Et si Allah nous comble de la vie durant le mois de Ramadan, nous devons accomplir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, et accomplir tout ça dans la sincérité et dans le suivi du messager alayhi salam. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم واحسن الله لكم جزاكم الله خيرا.